plaît. Ah, excusez-moi. Alors, bon, je cherche un maillot de bain, si vous voulez, parce que mon slip... j'ai piscine demain matin et mon slip taille tripixel. Est-ce que vous auriez ça dans un petit coin ?